Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Que non, il sera précipité dans la Rotama. Et qui te fera jamais savoir ce qu'est la Rotama, pensant que ses biens le rendront éternel? Que non, il sera précipité dans la Rotama. Et qui te fera jamais savoir ce qu'est la Rotama? C'est le feu d'Allah, à jamais attisé, qui atteindra les cœurs. Sur eux, il se refermera, et en colonne s'étendra.